Vous me semblez toute mélancolique. Qu'avez-vous, Madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing, et si elle n'est pas enflée. Mademoiselle, votre fille, où est-elle, que je ne la vois point? Mademoiselle, ma fille est bien, et où elle est? Comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voulez-vous point, de ces jours, venir voir avec elle le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi? Oui, vraiment, nous avons fort envie de rire, nous avons. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Tredame, monsieur, est-ce que Madame Jourdain est décrépite et la tête lui grouille-t-elle déjà? Ah, ma foi, Madame Jourdain, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence.